On se construit. Tout un tas de rêves, ce n'est qu'un bref laps de temps. La vie accorde une trêve, je respire. Faut bien que je jouisse, j'en profite, se conquérir. Bientôt viendra le jour et j'en crève la bouche ouverte. Me vois déjà gisère à terre, suffoquant, terrasse et surpassé. En manque d'air, perdre ses espoirs, ne plus vouloir y croire. Je ne le souhaite pas même, au pire de mes frères noirs. Se réveiller, déposséder, vider la sensation de perdre pied. Déboussolé, comme giflé, effrayé, plongé dans ce nouveau corps étranger. Mon être est mis en péril, il y a danger. Différente, je suis plus la même que dans le temps. J'étais folle, un rien frivole, j'ai plus le temps de gémir. Faire ma tête de martyriser, d'être là, riser toute l'assemblée. Différente, je suis plus la même que dans le temps. J'étais folle, un rien frivole, j'ai plus le temps de gémir. Faire ma tête de martyriser, d'être là, riser toute l'assemblée. Fut un temps, je croyais en l'homme, en somme, j'avais omis le côté bestial du prédateur que nous sommes. J'ai dû me tromper notice, sauter le passage du post-scriptum. Et j'ai souffert un maximum. Je m'étais fait un monde sans vice. Candide, j'expérimentais une forme de suicide. Acide, ça m'a rendu lucide. Ma philosophie avait pris malgré moi quelques rides. Différente, je suis plus la même que dans le temps où j'étais folle, un rien frivole. J'ai plus le temps. J'ai mis au moins de coups bas. Plutôt se dire que la vie est un combat que de croupir sous ses nyangas. Alors j'encaisse avec plus ou moins de mal. Et ce peu importe les directs, les coups droits. Certains nous disent que cela nous rend plus forts. Je crois juste que c'est nous rapprocher plus de la mort. Différent, j'en plus les mêmes choses. Je vois plus les mêmes choses. Je suis plus la même que d'antan. Différent, je suis plus la même que d'antan. J'étais folle, un rien frivole. Je n'ai plus le temps de gémir. Faire ma tête me martyriser. D'être là, riser toute l'assemblée. Différent, je suis plus la même. Je n'ai plus le temps de gémir. Faire ma tête de martyriser. D'être clarisé. C'est vrai que rien ne s'efface. Surtout pas le passé, passer par là. Tu sais bien de quoi je parle. Trop lourd à porter mon fardeau m'a retardé. Empêché d'évoluer ou d'avancer. Je m'étais laissé râler, terrassé. Cloué au sol, l'acide doré m'a charcuté. Je suis transformé, chef, je dois lutter pour me publier. Pour que flamboie mon éducation si chère à payer. Y'en a qui veulent ma peau, qui complotent dans mon dos. Mais ils sous-estiment le pouvoir de mes mots. De ma haute capacité à encaisser les coups donnés. Tous les paumés que j'ai pu croiser. Est-ce qu'après rescaper les miens distancés me prendront pour preuve qu'on surmonte les épreuves. Différente, je suis plus la même que d'antan. J'étais folle, un rien frivole, j'ai plus le temps de gémir. Faire ma tête de martyriser, d'être la risée, toute l'assemblée. Différente, je suis plus la même que d'antan. J'étais folle, un rien frivole, j'ai plus le temps de gémir. Faire ma tête de martyriser, d'être la risée, toute l'assemblée. Différente, je suis plus la même que d'antan. J'ai plus le temps de gémir. Faire ma tête de martyriser. D'être la risée, toute l'assemblée. Différente, je suis plus la même que dans le temps. J'étais folle, rien frivole. J'ai plus le temps de gémir. Faire ma tête de martyriser.